Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de Bruce Nauman. Né le 6 décembre 1947 à Indiana, il vit et travaille au Nouveau-Mexique. Sculpteur et vidéaste américain, ses références sont l'art minimal, conceptuel et funk. Il décrit son art d'agressif. Il a étudié l'art et les mathématiques à l'Université du Wisconsin. Influencé par le mouvement Dada, mouvement intellectuel, littéraire et artistique. C'est la remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Il refuse de se limiter aux écoles artistiques particulières. Dans ses œuvres, il s'interroge sur le corps humain et ses mouvements. Il arrête de peindre en 1965 et commence la structure d'objets et des montages vidéo. Ses recherches sont anthropomorphiques. Il élabore une réflexion plastique et théorique à propos d'un moule de son propre corps, qu'il découpe en morceaux. Il décroche le Lion d'or de la 53e Biennale de Venise en 2009 pour la meilleure représentation nationale. Il y était exposé en trois lieux. Le pavillon des États-Unis, le Palais Kavoskari et l'IUAV. L'une de ses œuvres les plus connues est « Dream Passage with Four Corridors », présentée en 1984 au musée Guggenheim. Cette création invite le spectateur à devenir acteur. Le but est de parcourir un long couloir étroit. Confronté à l'étroitesse du lieu, elle provoque une sensation d'angoisse, même pour les non-claustrophobes. Il crée un univers kafkaïen, ce qui rappelle l'atmosphère absurde et oppressante des romans de Kafka. Les deux couloirs se rejoignent et forment une salle centrale qui contient une table au sol, ayant deux chaises. Et, au plafond, nous retrouvons le même aménagement en miroir. Cette salle et les couloirs sont éclairés de tubes fluorescents, rouges et verts, pour apporter un effet d'atmosphère pesante. Voilà, ce podcast est fini, en espérant que vous ayez appris de nombreuses choses. Bonne soirée!